l'autre, que je quitte une main, ou alors pour que soudain, sur le sol, je me vautre. Aussi vite que je peux, je descends les marches en dessinant des arches sur la rétine des envieux. Et si j'ai de belles couleurs, elles ont moins de vie que vos danses. Le reste un jouet sans conséquence, dans les chutes sont vos erreurs. Je crois toucher la liberté, mais ni monter ni m'arrêter au final. Je ne peux que descendre. Et si j'ai eu ma belle période, elle était aussi courte que dense. Mais ne cherchez pas d'autre sens. Je ne suis qu'un jouet passé de mode. On ne casse pas c'est mon tort, car usé, abîmé, mais pas mort. Plus personne ne s'intéresse. Un jouet pas cher mais fragile, amusant un temps mais qui lasse, qui par conséquent perd sa place. Corps de plastique, âme d'argile, inutile. Pour en trouver une autre, que je quitte une main, ou alors pour que soudain, sur le sol, je me vautre. Aussi vite que je peux, je descends les marches en dessinant des arches sur la rétine des envieux. Et si j'ai de belles couleurs, elles sont moins de vie que vos danses. Je reste un jouet sans conséquence, mes chutes sont vos erreurs. Et si j'ai de belles couleurs, elles sont moins de vie que vos danses. Je reste un jouet sans conséquence, un jouet sans conséquence. Je reste un jouet.